enveloppe, mon amour. Je t'enfonce et dis bonjour. Et je le poste dans la boîte au coin. Et le facteur le repose chez moi enfin. Nous nous embrassions ce jour. Mourir, c'est partir un peu. On va faire un autre lieu. Un lieu plus mémorable. Ceci, c'est plus qu'une fable. Mourir, c'est partir un peu. Et si après tout je suis au bout de ma vie, souvent ça semble irréversible, mais ce n'est pas impossible que ma foi n'ait pas pris. Mourir, c'est partir un peu. Enfin vers un autre temps, un temps plus mémorable. Ceci, c'est plus qu'une fable. Mourir, c'est partir un peu. Par radio, je reviens transmis. Ça me redonne ma foi ici, où je me trouve dans un paradis. Pour étouffer tous mes ennemis, c'est un remède excellent. Mourir, c'est partir un peu. Enfin vers une autre forme, une forme plus mémorable. Ceci, c'est plus qu'une fable. Mourir, c'est partir un peu. Je me transpose par une onde, un chemin si profond. Ou avec une vague de mer, aidé par une sirène qui me transmet dans la Seine. Mourir, c'est partir un peu. Enfin vers une autre maintenant, un maintenant plus mémorable. Ceci, c'est plus que fable. Mourir, c'est partir un peu. Tout à coup, ma voisine est disparue dans la septième dimension à contenu. J'ai cherché une porte-péage, faire la dimension voisinage pour une nouvelle d'elle. Mourir, c'est partir un peu. Enfin vers une autre dimension, une dimension plus confortable. Ceci, c'est plus qu'une fable. Mourir, c'est partir.